Today, 21st April 2022. Today, I would like to continue the Dhamma talk. Yesterday, I mentioned the stanza Dhamma piti sukhanseti. Vipassanena cittassa riya bhavati de dhamme Nous sommes aujourd'hui le 21 avril 2022. J'aimerais poursuivre mon Dhamma Talk, mon enseignement d'hier. J'ai récité hier une stance du Bouddha, Dhamma Piti Sukham Seti, Vipassanena Cetasa, Ariya Pavedite Dhamme, Sada Ramati Pandito. Ce qui signifie: un yogi qui a vraiment fait l'expérience du Dhamma avec sa propre pratique, qui a expérimenté les Dhammas tels qu'ils sont réellement, vit heureux avec un esprit apaisé, avec un esprit serein. Il se réjouit toujours de vivre dans le Dhamma, de vivre selon le Dhamma, de la manière, à la manière des Ariyas, à la manière des êtres nobles. Donc c'est une stance qui a beaucoup de sens, qui est très, qui a beaucoup de sens avec la pratique de Vipassana, lorsque l'esprit est établi dans l'attention, lorsque l'esprit voit clairement dans le corps et dans l'esprit le bonheur, le calme, la paix, la sérénité, le ravissement apparaissent. Les yogis qui en font l'expérience goûtent réellement le Dhamma. Ils savent ce qu'il en est de vivre heureux et en paix, à la manière des êtres nobles. Donc, en vivant dans les plaisirs sensuels, on connaît une forme de bonheur, mais ce bonheur n'a rien à voir avec le bonheur qu'on connaît en vivant la vie des êtres nobles. Dans le bonheur des plaisirs sensuels est mêlé, il y a du bonheur et du malheur qui sont mêlés. Il y a un certain type de bonheur, c'est vrai, mais la plupart du temps, à la fin, c'est plutôt le fait de ne pas être heureux qui l'emporte. Dans l'enseignement du Bouddha, on parle de différents types de souffrances, dukkha, notamment de Sankhara Dukkha. Le bonheur des plaisirs sensuels en fait partie. En revanche, le bonheur de la vie noble peut être expérimenté quand notre pratique est suffisamment bonne. À ce moment-là, on expérimente la vie véritablement heureuse, avec un esprit serein. Les yogis qui pratiquent Vipassana peuvent atteindre ce niveau, mais ce n'est pas si facile. Comme je l'ai expliqué la nuit passée, hier soir, on ne peut atteindre notre but immédiatement. On a un but, on s'est fixé un but, mais ce n'est pas possible de le mettre en œuvre immédiatement. Il y a des obstacles, il y a des difficultés au début. Ce n'est pas possible que cela se passe sans anicroche. Le Bouddha a expliquer les bénéfices de la pratique. Cette pratique, la pratique de Vipassana, mène à la purification des êtres, à la victoire sur le chagrin et les lamentations, à la disparition de la douleur et du mécontentement, à l'atteinte du noble chemin et à la réalisation de Nibbana. Et sachant cela, nous voulons réaliser Nibbana, mais ce n'est pas possible de le faire immédiatement. Nous ne sommes pas capables de l'atteindre immédiatement. On ne cherche pas les obstacles, mais on les rencontre, on en fait l'expérience. Ces obstacles, on les appelle les empêchements. Même si on ne les cherche pas, on en fait l'expérience. Alors que nous méditons, que nous pratiquons la méditation assise, nous notons soulèvement, abaissement de manière rapprochée, mais l'esprit n'est pas capable d'aller vers l'objet, d'entrer dans l'objet, de suivre l'objet de façon rapprochée. L'esprit va plutôt vers les plaisirs sensuels. Parfois, c'est la colère, le ressentiment, les inquiétudes, la peur qui apparaissent. Lorsque ces facteurs apparaissent, nous ne pouvons pas être attentifs. Nous ne pouvons pas noter l'objet de façon rapprochée. Les plaisirs sensuels sont une barrière. La colère est une barrière, un blocage qui empêche de comprendre l'esprit et la matière. C'est encore plus le cas pour la paresse et la torpeur, la somnolence, la fatigue qui rendent l'esprit brumeux, qui nous empêchent de voir l'objet clairement. Si l'esprit est brumeux, la paresse s'installe, l'ennui va apparaître. Ensuite, l'empêchement suivant, c'est le doute. Est-ce que c'est vraiment vrai cet enseignement? Est-ce que simplement en notant le soulèvement et l'abaissement, je peux comprendre le corps et l'esprit? Est-ce que, en pratiquant ainsi, je peux vraiment atteindre le noble chemin? C'est le doute sceptique. Enfin, il y a udaccha, l'agitation. L'esprit est éparpillé. Il ne peut se rassembler sur l'objet. Il ne peut suivre l'objet, veiller sur l'objet. Il est dispersé partout. Aussi, kukucha, le regret. Quand on pratique, on se souvient du chemin déjà accompli. Parfois, on a accompli des bonnes actions dans le passé. Parfois aussi, on n'a pas accompli de bonnes actions dans le passé. Ou alors, on a accompli des mauvaises actions. Et pendant la pratique, cela nous revient facilement en mémoire, dans la mesure où, à présent, on fait le bien, et les mauvaises actions éventuelles nous reviennent facilement en mémoire. Donc, nous allons faire l'expérience de ces empêchements, pas tous, mais un de ces empêchements. Et lorsque nous en faisons l'expérience, nous ne pouvons pas vivre heureux avec un esprit serein pour l'instant. Ce n'est pas possible. Il nous faut d'abord dépasser ces empêchements, aller au-delà de ces empêchements. Et lorsqu'on y parvient, l'esprit est pur, l'esprit est clair. C'est ce qu'on appelle citta visuddhi. On peut voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est ça le sens de la première phrase de la stance. Dhammapiti, Dhammapiti, donc la joie dans le Dhamma va apparaître. Kama Chanda Nivarana, C'est l'empêchement des désirs sensuels. Désir sensuel, cela signifie désir pour les objets des sens. Qu'est-ce que c'est que les objets des sens? C'est la vision ou la vue, les sons, les odeurs, les goûts, les objets tactiles et les objets mentaux. J'en ai parlé déjà par rapport au contrôle des sens. Et donc ce désir pour les objets sensuels, c'est une des difficultés que nous allons expérimenter. Les objets sensuels vont apparaître et dans notre esprit, l'attachement va apparaître. Lorsque, par exemple, la vision est plaisante, le désir, l'aspiration, la saisie, la concupiscence vont apparaître. Et lorsqu'ils apparaîtront, nous perdrons notre attention. Nous ne pourrons pas noter l'objet, nous ne pourrons pas aller à l'objet de manière rapprochée. Au lieu de cela, au lieu d'observer le soulèvement, l'abaissement, assis, touché, c'est le désir qui va occuper notre esprit, qui va toujours occuper notre esprit. Ainsi, il n'y aura pas d'esprit pur, il n'y aura pas citta visuddhi. L'esprit ne sera pas purifié, on ne pourra pas voir le corps et l'esprit clairement, on ne pourra pas vivre heureux avec un esprit serein. Si nous voulons vivre heureux avec un esprit serein, nous devons d'abord nous débarrasser de ce désir sensuel. Comment? Ainsi qu'il est instruit, il faut noter, voir quand la vision se produit. Si nous notons attentivement et de façon rapprochée, il n'y aura pas beaucoup de désir. Le désir ne pourra pas être très actif, il va devenir de plus en plus faible. L'esprit n'ira pas plus loin que le simple fait de voir. Même si un peu de désir demeure, il ne sera pas fort et pas actif. Et finalement, il n'y aura plus de désir du tout. À ce moment-là, nous serons vainqueurs. Nous ne serons pas un loser, un perdant. Avec une prise de note énergique, on peut surmonter cette difficulté. C'est pourquoi le Bouddha a parlé de atapa, l'effort ardent. Certains sont fous des sons, certains sont fous des vues, certains sont fous des odeurs. Différentes personnes ont différentes préférences. Mais dans la pratique de Vipassana, quel que soit l'objet qui apparaît, nous devons le noter. Si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas progresser et nous ne pourrons pas vivre heureux avec un esprit serein. Nous devons aller au-delà de cet empêchement, de l'empêchement de Kamachanda, Nivarana, l'empêchement du désir sensuel. Lorsque le désir sensuel apparaît, il faut se dire « Oh, le désir sensuel, ce n'est pas moi ». Ensuite, il faut le noter et ensuite, il n'y aura plus de désir. Parfois, c'est la colère qui va apparaître. On essaye de noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen de façon rapprochée, mais nous ne parvenons pas à saisir l'objet. La plupart du temps, l'esprit s'en va, l'esprit s'envole. Nous sommes désireux de noter, mais nous n'en sommes pas capables, et cela génère en nous la colère, peut-être même la colère contre nous-mêmes, peut-être qu'on va se blâmer nous-mêmes. Je suis vraiment bête, comment se fait-il que je ne parviens pas à noter cet objet? Ou bien peut-être qu'on va se plaindre de nous-mêmes. Ainsi, la colère apparaît. À l'inverse, si on parvient à noter l'objet complètement, c'est la confiance qui apparaît. Si on ne parvient pas à le noter, c'est la colère, le ressentiment. Mais quel que soit l'objet qui apparaît, nous devons le noter. Lorsque la colère apparaît, nous notons fâché, fâché, fâché. On ne note pas tant colère, colère, colère, plutôt fâché, fâché, fâché. Lorsqu'on note de manière rapprochée, on va remarquer que la colère se renforce. La colère se renforce, ou alors qu'elle s'affaiblit. La colère s'affaiblit, ou alors qu'elle reste stable. Il faut noter tout cela. Et à chaque fois que la colère apparaît, il faut la noter. Et de cette façon, elle va nous devenir de plus en plus familière. Et un jour ou l'autre, alors que nous la notons, elle va disparaître. Si nous sommes capables de noter la colère, alors nous sommes vainqueurs. Nous notons chaque fois qu'elle apparaît, et ainsi l'esprit mûrit, et la colère ne nous dérange plus. On peut la supporter, on peut vivre avec elle. On dispose de cette qualité de la patience. On dispose de cette qualité de la patience. C'est ainsi que l'on surmonte la colère. Bhyapada Nivarana, l'empêchement de la colère ou du ressentiment. Nous expérimentons plus souvent encore l'empêchement de Tina et Mida, la paresse et la torpeur. Lorsque nous l'expérimentons, l'esprit n'est pas clair, n'est pas très clair, l'esprit est paresseux, embrumé. L'esprit n'est pas très actif, il ne peut pas voir l'objet clairement. Si l'objet n'est pas clair, nous ne savons rien, nous n'apprenons rien à son propos. C'est pourquoi nous devons rendre notre esprit alerte, toujours, en déployant des efforts avec la détermination. Nous nous entendrons toujours répéter qu'un certain degré d'énergie mentale est nécessaire, qu'il faut déployer plus d'énergie, plus d'efforts, être plus diligent, etc. On entendra ce conseil encore et encore, tout le temps. Si nous ne déployons pas assez d'énergie, si l'esprit n'est pas assez alerte, nous ne pourrons pas voir l'objet clairement, nous n'apprendrons rien. À la place, c'est la paresse, l'ennui qui apparaîtront. Notre tête dodeline, notre posture n'est pas correcte, la partie supérieure du corps penche vers l'avant, c'est à cause de la somnolence. On appelle cet empêchement tinamida. Lorsque cet empêchement apparaît, nous devons en prendre note. Paresseux, paresseux, embrumé, embrumé, somnolent, somnolent, de façon attentive. Et c'est de cette façon que nous pourrons surmonter cet empêchement. Le désir sensuel n'apparaîtra pas tout le temps. La colère non plus n'apparaîtra pas tout le temps. Mais en revanche, la paresse et la torpeur apparaîtront beaucoup plus souvent. Lorsque la prise de note n'est pas très active, ou alors, par exemple, si la salle de méditation est un peu sombre, pas très lumineuse, ou encore si le temps est froid, ou encore si on a eu un repas copieux, à toutes ces occasions, la paresse et la torpeur peuvent se manifester. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Le plus important, c'est de noter activement. Si on ne veut pas que la paresse et la torpeur apparaissent en nous, il nous faut noter activement. C'est ça le plus important. C'est une prise de note énergique et nécessaire. Lorsque la paresse et la torpeur apparaissent, ne vous inquiétez pas, mais essayez d'être très actif. Déterminez-vous, je serai très alerte. Et notez somnolent, somnolent, somnolent, somnolent, somnolent. Dodeline, dodeline, dodeline. Au plus vous notez, au plus vous savez. Oh, je dodeline vraiment beaucoup, je ne parviens pas à arrêter ce dodelinement. Peut-être même dormirez-vous un petit peu alors que vous pratiquez la méditation assise. Vous aurez peut-être un petit regain d'énergie. Mais quand vous notez activement la paresse et la torpeur, vous allez générer de l'énergie. C'est en notant que vous saurez si c'est facile ou difficile de surmonter la paresse et la torpeur. C'est une connaissance que vous acquérez par vous-même. C'est une véritable expérience propre à vous. Ensuite, l'empêchement suivant, c'est Udacha Kukucha. L'esprit qui note ne parvient pas à aller suffisamment près de l'objet. S'il parvient suffisamment près de l'objet, s'il ne parvient pas suffisamment près de l'objet, l'esprit est éparpillé. Il va ici, là, partout. Comme une pierre qu'on lancerait dans un tas de cendres, les cendres s'envolent de tous côtés. Si l'esprit qui note n'est pas actif, l'esprit ne va pas à l'objet, ne va pas tout près de l'objet, parce que sati n'est pas présent, l'attention n'est pas présente dans l'esprit. Chittapada nipati, l'esprit va là où il veut, là où ça lui plaît. Ensuite, kukucha, parfois on parvient à noter. L'esprit qui note est très actif, l'esprit est concentré. Quel que soit l'objet qui apparaît, l'esprit s'y colle, il colle à l'objet, l'esprit est clair. Et à ce moment-là, on se souvient facilement du bien ou du mal qu'on a accompli dans le passé. En temps normal, on ne s'en souvient pas tellement, mais ici, on a développé la puissance de l'attention parce qu'on génère l'attention à chaque instant et l'attention devient très puissante. On se souvient même le souvenir de la petite enfance en dessous de 5 ans. C'est quelque chose qui est en général très difficile, dont il est en général très difficile de se souvenir. Peut-être même on se souvient de choses qui se sont passées à 3 ans, quand on avait 3 ans. Mais si ce dont on se souvient, c'est une mauvaise action, quelque chose d'erroné qu'on a fait, alors le regret apparaît. Donc si on ne note pas de façon générale l'objet de manière rapprochée, l'esprit va aller partout. Si on parvient à noter de façon rapprochée, alors on est le vainqueur. Maintenant, les yogis savent comment ils doivent surmonter Udacha et Kukucha. Enfin, Vichikicha, le doute, la confusion, l'incapacité à décider ce qui est bien et ce qui est mal. Le fait de ne pas croire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est seulement en notant le soulèvement et l'abaissement que. En notant le soulèvement, l'abaissement, en notant voir, entendre, qu'on peut atteindre l'illumination? Est-ce que c'est vraiment vrai? On n'y croit pas. Et comme on n'y croit pas, l'esprit ne devient pas très actif. Le Bouddha a garanti que si on ne croit pas, si on ne peut pas croire, alors on ne paiera pas attention, on ne fera pas attention, n'accordera pas une attention rapprochée à l'objet. Et si on n'accorde pas une attention rapprochée à l'objet, on ne connaîtra pas les instructions clairement. On ne connaîtra pas les instructions clairement. C'est tout ça parce qu'on ne croit pas. Les instructions sont tellement simples, on n'y croit pas. Les instructions, c'est Gacchanto va, Gacchamiti, Pajanati, Tito va, Tito miti, Pajanati. En allant, il sait, je vais. En étant debout, il sait, je suis debout. Même les enfants peuvent comprendre. On n'accorde pas d'attention, on ne développe pas l'attention parce que c'est trop simple. C'est trop simple. Mais c'est très simple, mais en revanche, la compréhension est profonde. Nous devons donc pratiquer correctement, mais nous devons aussi écouter correctement. Si nous ne le faisons pas, le doute va apparaître. Comment surmonter le doute? Quand le doute apparaît, il faut qu'on le note. D'une part, il faut noter le doute, mais d'autre part, il faut aussi noter l'objet qui apparaît de manière rapprochée, le soulèvement et l'abaissement. Il faut le noter de manière rapprochée. Le soulèvement et l'abaissement, c'est un objet qui est facile à apercevoir, facile à saisir. Une fois qu'on peut le noter, c'est la confiance, la croyance et la foi qui vont apparaître au lieu du doute. Et donc ça, c'est un progrès important. Nous devons surmonter tous les empêchements, dès qu'ils apparaissent. Donc si vous pouvez gérer tous les empêchements quand ils apparaissent en vous, vous êtes le vainqueur. Et vous commencez à comprendre le corps et l'esprit. Vous savez par vous-même et pour vous-même comment vivre heureux avec un esprit serein. Ça suffit pour aujourd'hui. Je continuerai à parler de la manière de vivre heureux avec un esprit serein. Puissiez-vous être en bonne santé et heureux, puissiez-vous être capable de pratiquer avec diligence, puissiez-vous comprendre les dhammas tels qu'ils sont réellement et atteindre Nibbana. Ça. Sadhu, sadhu, sadhu. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana.